évolue à une offre culturelle, d'accord. Les théâtres ne serviraient à rien sans les comédiens et les auteurs, les salles de concert ne serviraient à rien sans les musiciens et les compositeurs, etc., etc., au centre. Donc les artistes sont au centre, il ne faut jamais l'oublier. Vous êtes peut-être pour certains artistes aussi, mais la plupart sont simplement des gens fous de culture qui ont envie d'y travailler. Il faut savoir que le protagonisme essentiel au sein du métier auquel vous destinez, c'est quand même ce qu'on appellera le producteur de culture, c'est-à-dire l'artiste. Bon. Après, le rôle que vous allez jouer, et c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui, et tout le reste du coin du maître, est essentiel lui aussi, mais tout de même l'artiste est produit. Bon. C'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que l'idée que l'artiste est un être qui travaillerait tout seul, une sorte d'homme orchestre capable d'assumer toutes les étapes du processus artistique, c'est complètement dépassé, voire c'est fantasmé. C'est un peu le mythe de l'artiste tel qu'il nous a été transmis par l'époque romantique, mais qui aujourd'hui, sincèrement, est assez démodé, je pense. L'artiste, aujourd'hui, et en réalité toujours, s'inscrit dans un contexte plus global, celui des mondes de l'art. Et on dirait aujourd'hui que l'artiste inscrit son travail au cœur d'un réseau qui l'englobe et le dépasse très largement. C'est ce que je voudrais appeler les intermédiaires de la culture. Voilà, donc on va s'intéresser au monde de l'art d'un côté, au pluriel, les mondes de l'art, et d'autre part, aux intermédiaires de la culture. C'est à l'intérieur de ce réseau étrange que l'artiste évolue. Il a beau être le premier, hein, puisque c'est le producteur initial, on va dire, de l'offre culturelle, sans tout le reste dont nous allons parler maintenant, eh bien, son travail ne serait jamais connu. Donc on pourrait dire que l'art est inutile sans les théâtres et l'art est inutile sans les salles de musique. Hein. En fait, il y a en réalité une espèce d'interdépendance voilà, entre les deux pôles hein, qu'on exprime ici, hein, le lieu où la culture advient et la culture elle-même. Elle germe dans la tête d'un artiste, mais il faut qu'à un moment elle se matérialise et qu'elle se diffuse. Donc, je sais pour le moment des termes encore un peu généraux et simples. Donc sans ces mondes de l'art et sans ces intermédiaires de la culture, ni l'art, ni la culture ne pourraient prendre de l'importance, car ils resteraient confidentiels, voire non réalisés. C'est à l'intérieur de ce réseau que vous serez amené à exercer votre activité professionnelle et, je vous le souhaite, créer éventuellement votre propre projet d'entreprise culturelle. Il est donc fondamental d'en prendre conscience, dès le départ, et d'en approfondir sa connaissance. Plusieurs ouvrages vont nous y aider. Le premier est un ouvrage collectif sous la direction de Jean-Pierre et Grouef qui s'appelle La culture et ses intermédiaires dans les arts, le numérique et les industries créatives. C'est un ouvrage récent de 2014 dont vous aurez la référence définitive qui est complète dans le texte et dans le diaporama. Alors, si on se penche sur le contenu de cet ouvrage, dont je vous donne ici une synthèse de quelques éléments essentiels que j'ai voulu amener au cours. Les auteurs, en tout cas dans l'introduction, les directeurs de publication, constatent que les études culturelles, donc les gens qui s'intéressent aux questions de la culture, eh bien ces études se sont d'abord intéressées à l'offre et à la demande de la culture, c'est-à-dire aux artistes, d'une part, c'est l'offre, et au public, d'autre part, c'est la demande. Et de même, l'étude de la création s'est principalement concentrée sur les seuls artistes, en les isolant de leurs multiples relations avec les nombreux autres acteurs qui interviennent pourtant dans l'activité productrice des œuvres. Donc, dans un premier temps, on se dit, bon, il y a les producteurs et les récepteurs, il y a les artistes, le public, et puis les artistes, c'est super important, il n'y a qu'eux qui comptent. Ils sont tout seuls à la commande, ils produisent leur œuvre. Donc, tout ça doit être nuancé. En effet, pour penser la création et la production culturelle, en saisir les règles et les évolutions récentes, il faut ajouter une importante catégorie d'acteurs sur le terrain culturel. En plus des artistes concepteurs des œuvres, en plus des publics récepteurs de la culture, il y a les intermédiaires. Ils sont actifs dans les phases de financement, dans les phases de production, dans les phases de distribution, de diffusion, de promotion, d'évaluation, de prescription, on en reparlera tous. Donc il y a une série d'étapes intermédiaire entre la production à un artiste et la réception par un public. Ces intermédiaires ont longtemps été considérés de façon négative, voire stéréotypée. Soit l'intermédiaire culturel est considéré comme un tout-puissant, un faiseur de roi indispensable à tout succès artistique, ou encore un gardien du temple, empêchant l'accès à la reconnaissance de créateurs non conformes à sa vision de l'art. Donc, dans un premier temps, c'est le critique qui peut défaire une carrière et qui peut repousser un artiste sur le devant de la scène. Ça, c'est un intermédiaire, hein, le critique d'art, par exemple. Et c'est un faiseur de roi. Il a une réputation, il a le droit de vie et de mort sur d'autres artistes qui ne lui plairaient pas. C'est une vision stéréotypée et négative de l'intermédiaire. L'autre vision stéréotypée et négative d'un intermédiaire serait de l'appeler un parasite, profitant des talents d'autrui pour s'enrichir sans rien produire lui-même. Les fameux producteurs qui s'enrichissent sur le dos des pauvres musiciens, qui ne font pas de musique eux-mêmes, mais qui amassent un pactole en produisant des contrats défavorables aux pauvres artistes naïfs. Ce sont donc des stéréotypes et des fantasmes souvent, mais ça nous donne un cas, une espèce de pôle, de double pôle, entre lesquels évidemment une série de situations beaucoup plus nuancées reflètent la réalité du terrain. Or, sans intermédiaire, la création ne saurait exister socialement et économiquement. Elle a besoin, par exemple, de défricheurs capables de remarquer la création émergente ou encore d'un garant solide, prêt à investir dans tel ou tel projet artistique. Donc essayons de retourner ce stéréotype et de voir l'intermédiaire comme quelqu'un d'utile. C'est un découvreur de talent. C'est quelqu'un qui va soutenir la création. Donc on n'est pas dans le monstre cupide ou dans le monstre sadique qui défait la réputation. Non, non, non. La plupart des intermédiaires de l'art sont des gens passionnés de culture qui vont tout faire pour que la création émergente soit reconnue et pour que un financement ou en tout cas une structure suive de façon à garantir la production des travaux artistiques. Cette importance du réseau des intermédiaires culturels, elle est déjà acquise, en fait, pour des productions culturelles désormais à l'échelle industrielle. Par exemple, le cinéma, la musique, l'édition populaire. C'est difficile de dire que le cinéma se fait tout seul par un artiste et qu'il n'y a aucun intermédiaire avant que ça arrive au public. Bien conscient que la chaîne, on va dire, de production, diffusion, distribution, etc., du cinéma est tout à fait impressionnante et donc on peut difficilement faire vidéo parce qu'ils sont tout. Il n'y a que l'artiste et le public. Bref. Donc là, on admet ça. Mais en réalité, il y a encore une évolution des mentalités pour un secteur comme les arts plastiques, par exemple. C'est un secteur qui est envisagé souvent comme un secteur plus artisanal. On imagine l'artiste tout seul dans son atelier. En fait, non. Pour ce côté-là aussi de la création, il faut imaginer la question des intermédiaires. Dans le domaine des arts plastiques, pour y rester, on peut, une fois qu'on ouvre les yeux sur le fait qu'il y a présence d'intermédiaires, voire de nécessité de ceci, on constate, si on regarde de plus près, qu'il y a une véritable transformation de l'ensemble de ce secteur, tout comme l'autre secteur, à l'échelle industrielle, de la culture, a déjà été touché. Les valeurs commerciales, par exemple, qu'on les perçoive négativement ou positivement, ce n'est pas encore le lieu. Mais les valeurs commerciales gagnent du terrain. Et on remarque même une influence accrue, donc qui se développe fort, de ce que j'appelle l'aval, c'est-à-dire en deçà du processus de création, donc après, a posteriori. Donc on trouve une influence grandissante de l'aval sur l'amont du processus de création, c'est-à-dire en hauteur, c'est-à-dire là où, a priori, la culture se fait. Donc il y aurait une espèce de remontée parfois des valeurs commerciales, qui normalement se situent en aval. Une fois que l'œuvre existe, on commence à réfléchir à sa diffusion commerciale. Eh bien, il semblerait, quand on regarde à peu près, que tout ça se transforme, qu'il y a un effet de balancier, et que les questions commerciales qui normalement ne devraient concerner que l'après de la création peuvent remonter et questionner l'avant de la création. Et vous m'aurez compris, influencer celle-ci pour produire un objet conforme à une demande et donc avec un succès commercial garanti. On va détailler ça aussi à travers plusieurs ouvrages dans la suite de mon cours. trouvons encore dominés de l'intermédiation, pour reprendre le vocabulaire de Bourdieu. Et c'est dominé de l'intermédiation, adopte une conception passive comme soutien neutre à la création, ils sont au service de l'artiste. Eh bien, il y a désormais des dominants de l'intermédiation qui, eux, sont arrogants, pas de complexe par rapport au créateur, ils se sentent en fait tout aussi importants que l'artiste, ils n'ont pas une vénération peut-être sacrée pour celui-ci, c'est juste un partenaire hein, dans une chaîne de responsabilité. Et eux, ils ont tendance à devenir de plus en plus interventionnistes dans le processus artistique. Ils exercent ainsi un contrôle plus fort sur le processus créatif lui-même. Voilà, donc, quelques tensions qui apparaissent. Hein. Il faut ouvrir les yeux sur la présence des intermédiaires, ne pas caricaturer la situation, mais être attentif à des phénomènes d'interventionnisme de plus en plus grand de la part de certains intermédiaires, ce qu'on appelle les intermédiaires dominants, sur les processus de créativité eux-mêmes. Bon. Quoi qu'il en soit, pour terminer l'approche de ce premier livre, on observe une croissance des marchés culturels et du nombre de scènes de valorisation des biens symboliques. Donc il y a des offres culturelles pléthoriques, je vous ai parlé de ça la semaine dernière, en disant que c'était impossible à Bruxelles, si on était un peu gourmand de culture parfois, de boucler son agenda, tellement il y avait d'offres qui se superposaient parfois les mêmes soirées. Donc il y a un grand nombre de scènes de valorisation des biens symboliques qui fait naturellement augmenter le nombre d'intermédiaires de la culture. Paris, plus qu'il y a de lieux de culture, plus qu'il y a d'intermédiaires de la culture. On parle même aujourd'hui d'un âge d'or des intermédiaires culturels. C'est la bonne époque. Hein, et on ne s'étonnera pas du fait que plus ces intermédiaires sont puissants, plus l'influence qu'ils exercent sur les projets créatifs a des chances d'être grande. Par contre, à l'autre bout de la hiérarchie, c'est-à-dire en bas de l'échelle sociale ou économique de l'intermédiation, on a le petit intermédiaire qui se rapproche, lui, assez fort de l'artiste, en fait, mais d'une autre manière. Il partage avec lui des formes précaires d'emploi, de gratification ou de carrière. Par conséquent, on peut résumer en disant que qu'il participe au processus créatif ou qu'il épouse une vie d'artiste, les intermédiaires de la culture agissent aujourd'hui comme des créateurs. Ils ne sont plus définissables seulement comme des compléments nécessaires à la création. Soit ils sont puissants, ils remontent jusqu'au processus de création pour influencer l'artiste dans leur travail, afin qu'il produise une œuvre qui est commercialisable avec succès. Ce sont des créateurs, ils se mêlent de l'action de création. Soit ils sont soumis, on va dire, à l'artiste, et du coup, ils sont en bas de l'échelle hiérarchique et sociale des intermédiaires, et donc ils épousent la vie d'artiste dans ce cas-là précaire. D'accord ? Et donc finalement, ils sont aussi un peu des créateurs, puisqu'ils connaissent hein, les situations financières d'un régime de travail qu'on appelle un régime de la vocation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résister, on a une vocation, on devient artiste, mais bah, on sait qu'on ne s'enrichira pas forcément, peut-être, mais ce n'est pas garanti. Bon, il y a d'autres études qui permettraient d'arriver à une situation économique plus stable que les études artistiques. Mais la vocation hein, appelle les artistes. Et donc ces intermédiaires, ces petits intermédiaires de la culture, se trouvent souvent dans ce régime vocationnel. Ils sont fonds de culture, ils se lancent dans le travail culturel sans réfléchir tout à fait à un enrichissement potentiel. Ils sont dépourvus de publicité, contrairement à des entrepreneurs dominants culturellement qui lancent des boîtes culturelles afin de s'enrichir, ce qui est possible aussi, notamment quand on touche aux industries culturelles et évidemment aux questions du cinéma, de littérature populaire, de spectacle populaire, etc. Voilà. Ce sont les conclusions qu'on peut tirer de cet ouvrage. Je vous en conseille la version de la lecture. Ce sont une série d'articles qui vont être rassemblés par différents intervenants qui vont travailler tous les thèmes que j'ai résumés maintenant, secteur par secteur. Vous avez des articles sur le cinéma, sur la musique, sur la littérature, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à piocher, bien sûr. Alors j'arrive à un deuxième ouvrage qui, lui, va nous faire avancer dans la question du monde de l'art lui-même dont je parlais, des mondes de l'art hein, eux-mêmes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire comment finalement la création se fait, c'est-à-dire plutôt en équipe hein, que par un homme seul et génial, anonyme hein, au fond d'un atelier. Détaché de toute réalité. s'agit d'un ouvrage écrit par un sociologue. Les sociologues ont fait beaucoup avancer les questions de culture parce que, bon, voilà, ils ont une méthode, une approche qui est efficace. Et Howard Becker, un sociologue, je le répète, appartenant au monde anglo-saxon, décomplexé par rapport à ces questions de culture, et donc capable de revoir les paramètres de façon très contrastée pour étudier le champ de l'art et de la culture, a écrit ce qui est la Bible de beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine culturel, à savoir les mondes de l'art, traduit, ça a été écrit dans les années 80, ça a été traduit après, et c'est réédité régulièrement. Là, c'est une édition de 2006, mais ce n'est pas forcément l'année de la traduction que je vous montre à l'écran, c'est désormais en collection de poche. Et donc, c'est très accessible, je vous en conseille, la lecture, c'est assez passionnant. Ici, on va s'intéresser surtout aux enjeux du livre, je n'ai pas évidemment entré tout au fond de chaque détail, et je voudrais donc arriver avec vous, grâce à cet ouvrage, à décrire un peu mieux ce qui se passe finalement dans l'atelier d'un artiste et par extension dans le réseau de collaboration qui doit se mettre en place pour arriver à produire de la culture. Et donc vous allez vous reconnaître sans doute dans ce portrait parce que dans les mondes de l'art, il y a plein d'intermédiaires et donc vous occuperez peut-être une de ces fonctions plus tard, selon qu'on a rentré l'autre, et après tout, Howard Becker ne couvre peut-être pas l'intégralité de ces mondes de l'art, mais il a eu le mérite de les mettre en avant pour la première fois. Alors, à l'époque où il écrit cet ouvrage en langue anglaise, donc puisqu'il est américain, dans les années 80, il y a une originalité dans sa démarche qui est assez étonnante, c'est qu'il a décidé d'emblée de considérer les artistes comme des travailleurs ordinaires, c'est-à-dire comme des autres. Au sens où il est possible d'étudier sociologiquement leur environnement professionnel, comme on le ferait pour toute autre catégorie. On peut étudier les artistes comme on étudierait les carrossiers ou les hommes politiques. Voilà, il n'y a pas de raison. Et ça, en Europe, il n'y avait pas moyen d'entendre ça. Dans les années 80 encore, il y avait une sacralisation de l'artiste qui était hors catégorie. Voilà, on reviendra sur cette notion de hors catégorie de l'artiste. Mais Becker a dit pas du tout. Moi, j'ai décidé sociologiquement d'aborder cette profession comme n'importe qui. Donc, de faire tomber du piédestal l'artiste esprit européen, qui se base de nouveau sur une énorme tradition, très impressionnante. Plus la tradition est longue, plus le piédestal est haut. Tandis qu'aux États-Unis, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus mince, donc le piédestal est plus bas et c'est plus facile de faire tomber l'artiste aux anglais. Il dit, lui-même, je le cite, « J'ai considéré l'art comme un travail, en m'intéressant plus aux formes de coopération mises en jeu par ceux qui réalisent les œuvres que aux œuvres elles-mêmes, ou à leurs créateurs au sens traditionnel. Cela revient forcément à envisager l'art comme un travail peu différent des autres, et ceux que l'on appelle artistes comme des travailleurs peu différents des autres. » Voilà. Et plus particulièrement, des travailleurs peu différents de ces autres travailleurs qui participent à la réalisation des œuvres d'art. Donc l'artiste est un travailleur comme les autres, et certainement pas si différent de ceux qui l'aident à aboutir à créer son œuvre d'art, et il va s'intéresser certainement à cela, plus qu'aux carrossiers et aux hommes politiques. Il utilise donc l'idée d'un monde de l'art, ou de monde de l'art, comme le pivot de toute son analyse. Alors attention, il ne s'agit pas d'une métaphore assez floue, désignant les personnalités en vue du milieu artistique, le monde people, c'est pas ça qu'il dit en disant le monde de l'art. Il s'agit d'un usage plus technique désignant le réseau de tous ceux dont les activités concourent à la production des œuvres. Becker souhaite promouvoir ainsi une meilleure compréhension des modalités de production et de consommation des œuvres. Vous voyez, c'est de nouveau le même principe. Il y a d'un côté les artistes et le public, et on s'intéresse à ce qu'il y a au milieu, comment on arrive de l'un à l'autre. Et donc, c'est un réseau qui s'organise en monde, au pluriel, donc les mondes de l'art. Le premier chapitre de son livre, auquel on va s'intéresser principalement, est consacré à la dimension collective du travail artistique. Becker met en lumière d'emblée que tout travail artistique, au même titre que toute activité humaine, fait intervenir les activités conjuguées d'un nombre souvent important de personnes. Si bien que l'on peut affirmer que l'œuvre d'art qui vous est finalement présentée commence et continue à exister grâce à leur collaboration. Glissant d'une analyse esthétique de l'œuvre d'art comme une manifestation sensible particulière vers une analyse sociologique de l'art, ce chercheur ouvre la porte à une approche plus pragmatique de l'activité artistique permettant d'étudier sérieusement les mondes de l'art. Surtout, c'est approche nouvelle de l'art débouche sur une meilleure appréhension de la complexité des réseaux coopératifs dont l'art procède. Il s'agit donc d'analyser l'art comme une simple activité professionnelle comme les autres, mais qu'elle replace alors l'acte de création dans la chaîne professionnelle dont il fait en réalité partie. En choisissant un exemple évident, voilà, il dit l'artiste s'inscrit dans une chaîne, comme une chaîne de montage. On est aux États-Unis, hein, pensez les chaînes de montage des voitures, ce qu'on appelle le fordisme, hein, le modèle économique, la rationalisation du montage d'une automobile, par exemple. Donc les Américains, ils ont ça en tête, vous voyez, les temps modernes, les chaînes de Chaplin, les chaînes de montage. Et donc il dit, et c'est leur temps, hein, mais il dit, c'est plus, il dit, voilà, l'artiste fait la même chose, il est donc un des usagers d'une chaîne de montage. Et je donne un exemple. Que l'on songe à toutes les activités qu'il faut mener à bien avant qu'une œuvre d'art prenne son aspect définitif. Pour qu'un orchestre symphonique donne un concert, par exemple, il a fallu inventer des instruments de musique, les fabriquer, les conserver en bon état. Il a fallu mettre au point une notation, le solfège, et composer de la musique en utilisant cette notation. Des gens ont dû apprendre à jouer sur leurs instruments respectifs. La partition ainsi notée. Ils ont donc dû aussi apprendre à lire le code utilisé pour écrire la musique. Il a fallu trouver le temps et le lieu nécessaires aux répétitions. Annoncer le programme de concert, organiser la publicité, vendre des places, attirer un public capable d'écouter, donc qui a reçu une éducation. De comprendre peu ou prou et d'apprécier le concert. Il ajoute que l'on pourrait dresser une liste comparable pour tous les arts du spectacle, par exemple, et que, moyennant quelques modifications mineures, on remplace les fournitures, on remplace pardon, les instruments par les fournitures, on remplace le concert par l'exposition, on peut appliquer cette liste aussi pour les arts plastiques, et pas seulement les arts du spectacle, à condition hein, de remplacer, une fois encore, les fournitures par la langue et l'écriture, l'exposition par la publication, on peut même utiliser cette chaîne de montage pour les arts littéraires. Donc, qu'on soit dans les arts plastiques, dans la littérature, dans les arts de la scène, même combat, c'est une chaîne de montage. Et donc, il arrive à identifier différentes activités au sein du monde de l'art. 1. L'idée. La première chose, c'est l'idée. Quelqu'un doit avoir l'idée du genre d'œuvre qu'il s'agit de réaliser et de sa forme particulière. Longtemps mûrie, ou immédiate, brillante ou médiocre, originale ou banale, fruit d'une intense concentration ou sans effort, ou même cette idée peut découler de l'application d'une recette éprouvée. Cette idée peut aller du meilleur au pire, etc., etc. Bref, sans idée, on ne commence pas. Donc c'est là, vraiment la première chose, c'est plutôt spirituel et intellectuel, pour d'abord l'idée de la chose en fait. Deuxièmement, l'exécution. Une fois l'idée conçue, elle doit être mise à exécution. Les idées artistiques se traduisent pour la plupart dans une forme matérielle. Un film, une peinture, un livre, un ballet, etc. En somme, quelque chose que l'on peut voir, que l'on peut entendre, que l'on peut toucher. Et les moyens nécessaires peuvent être rudimentaires, hein, ou alors requérir un savoir-faire bien particulier. Pensez au plasticien qui a décidé de faire des aquarelles, ou au musicien qui travaille dans un orchestre symphonique, ou un comédien qui travaille à l'opéra. Voilà, ce sont des enjeux techniques beaucoup plus, évidemment, considérables. Mais on est toujours dans l'exécution. On passe à la matérialisation d'une idée. Troisième point important de cette fameuse chaîne de montage, hein, la fabrication. Pour matérialiser le retard, il faut compter sur la fabrication et la distribution des fournitures et du matériel nécessaire. Les instruments de musique doivent être fabriqués pour exécuter l'œuvre. Donc l'œuvre, l'idée a surgi, elle a été exécutée parce qu'elle a été écrite, et puis il faut qu'elle soit fabriquée, c'est-à-dire la musique doit venir grâce à l'utilisation d'un instrument. Ça peut être les tubes de peinture, les toiles de lin d'un peintre monté sur châssis, ça peut être les chaussons de danse que vont revêtir les danseurs classiques, les costumes des comédiens, les caméras des réalisateurs, la pellicule des photographes. Tout ce qui doit être fabriqué est mis à la disposition de ceux qui les utilisent pour produire des œuvres d'art. Idée, exécution, fabrication. Quatrième poste de la chaîne de montage, la diffusion. l'activité de diffusion de leurs œuvres auprès du public en échange d'un paiement ou auprès d'un organisme public de soutien à la création permet aux artistes de recevoir un revenu. On notera ici que l'artiste peut décider de consacrer ce revenu à la délégation à un tiers de la fabrication décrite au point précédent. Ceci pour gagner du temps et se consacrer plus largement à la première et deuxième activité. Et c'est là qu'il vient avec des considérations très pragmatiques grâce à son nouveau système d'analyse sociologique de l'art. Donc il dit il faut une diffusion. Et l'activité de la diffusion, en général, il y a un échange commercial à ce moment-là. Vous voulez écouter un concert, vous payez une place. Vous voulez voir une expo, vous payez votre entrée. Vous voulez acheter l'œuvre d'art, vous la payez. Donc la diffusion se fait en général contre un échange monétaire. Et évidemment, ça génère des revenus qui permettent d'alimenter les gens qui sont dans la chaîne, éventuellement, qui ont organisé la diffusion, mais aussi l'artiste lui-même, des droits d'auteur ou des choses comme ça. Donc, l'artiste perçoit des revenus à ce stade-là de la chaîne de montage et ça lui permet de déléguer éventuellement, par exemple, la fabrication. Donc, l'artiste va aller acheter ses couleurs toutes faites. Il va aller acheter ses toiles montées sur un châssis quand il est peint. Il va acheter ses pinceaux. Alors que, dans l'histoire de la peinture, par exemple, il y a un moment où l'artiste fabriquait lui-même. Il avait des assistants éventuellement, mais sinon, c'est lui qui fabriquait dans son atelier les choses. Maintenant, il peut aller chercher cette fourniture toute faite. Et ça, ça n'est possible que parce qu'il y a eu une diffusion qui lui a donné des revenus et qu'avec cette revenus, il a décidé, au lieu de s'enrichir, de les réinvestir dans sa chaîne de production pour gagner du temps. Ce sont des considérations très pragmatiques qui, avant, ne devaient pas du tout toucher à la réflexion sur l'art qui était exclusivement esthétique. Après la diffusion, le cinquième poste sur 10, je vais résumer, le cinquième poste dans la chaîne de montage, et après celui-ci, je vous ferai une petite pause, c'est le renfort. C'est pas mal cette catégorie, la catégorie de renfort. C'est un peu une catégorie fourre-tout, il l'avoue, mais elle est importante parce qu'elle concerne beaucoup de gens. Et très souvent dans la littérature, vous retrouverez cette expression, la catégorie du renfort. Sachez que ça, c'est des gens qui ont lu Becker. C'est le premier qui a dit ça. Les activités de renfort, au sens de renforcement, hein, varient selon la discipline artistique. Et consistent, par exemple, à balayer la scène du théâtre, à porter le café pendant la répétition, à tendre ou à marouffler les toiles et à encadrer les peintures achevées, à préparer la copie et relier les épreuves d'un livre, etc. Cette catégorie englobe donc toutes sortes d'activités techniques, mais aussi des activités qui visent simplement à libérer les exécutants des tâches quotidiennes fastidieuses. C'est en fait une catégorie résiduelle où Becker range toutes les activités difficiles à classer ailleurs. Voilà. Peut-être, si vous me le permettez, que vous me reste maintenant encore quelques fois une seconde, je vais aller au bout de ma liste, elle est plus courte. Comme ça, on aura vu les 10 moments identifiés par Howard Becker dans la chaîne de montage. Vous êtes d'accord? Sixième point, ce qu'il appelle l'appréciation, le fait d'apprécier. Une fois l'œuvre réalisée, elle doit encore faire l'objet d'une appréciation par un public. Et oui, s'il n'y a personne pour écouter une œuvre d'art, est-ce qu'elle existe? C'est une vraie question. S'il n'y a personne pour voir un tableau, est-ce qu'il existe? Il n'y a personne pour lire un livre, est-ce qu'il existe? Ce sont des questions que les philosophes se posent sans trouver une grande réponse. On ne va pas évidemment tâcher de le faire. Mais donc l'appréciation, ça veut dire par un public, que voilà en face, hein, est importante. Sixième position, hein. Donc toutes les étapes qui précèdent le public nous montrent bien que c'est réducteur de dire il y a un côté d'artiste et de l'autre public. Oh, il y a une série d'intermédiaires, hein, qui apparaissent sur la chaîne des montages. Mais ce n'est pas tout. Après l'appréciation, poste numéro 6, il y a le poste numéro 7, la justification. Cette activité prend la forme d'une argumentation justifiant le sens et l'intérêt du travail artistique décrit jusqu'ici. Elle prend généralement la forme d'un discours esthétique, d'une légitimation philosophique assignant la qualité d'art au projet en cours, devenant par là indispensable à la culture des individus et de la société. Donc, quelqu'un qui va valider le projet, qui est en position de justifier, c'est-à-dire de donner du sens à la proposition artistique. C'est par exemple la critique d'art, c'est par exemple un écrivain spécialisé de l'opéra qui va faire entrer dans son catalogue une œuvre proposée par un auteur d'opéra, etc. Donc c'est juste un point important, sinon l'œuvre est oubliée, hein, elle ne figure pas au patrimoine de l'humanité. Une fois qu'on lui a donné son statut d'œuvre d'art, elle va le garder. On peut la déconsidérer en disant que c'est une mauvaise œuvre d'art, mais normalement plus personne ne remettra en question le fait qu'elle est une œuvre d'art. C'est donc bien une justification. Huitième étape, l'évaluation. Corollaire à l'activité précédente, l'évaluation des œuvres permet de mesurer leur valeur en les confrontant aux normes esthétiques en vigueur. au niveau de l'évaluation, on dit que c'est une œuvre d'art qui est bonne ou mauvaise, en la comparant aux autres œuvres existantes et qui est ou ah, c'est meilleur que nous. Neuvième et avant-dernière étape de la chaîne de montage, la formation. Dans la mesure où les étapes précédentes demandent des compétences particulières, on citera ici les gens qui dispensent l'instruction et la formation nécessaires à l'apprentissage. Donc pour qu'un musicien joue la musique, ben, il doit l'avoir appris, donc il y a un prof derrière. Pour qu'un instrument de musique soit dans les mains du musicien, il y a quelqu'un qui fabrique cet instrument. Il a appris à faire. Donc toute cette formation, qui est très diverse, à un tel niveau, eh bien, est nécessaire, sinon jamais le savoir-faire n'aurait été acquis pour participer aux différentes stations présentant de cette chaîne de montage, qui se termine enfin par le point numéro 10, qui est l'ordre social. L'ordre social, Becker estime que tout ce qui précède suppose l'existence d'un ordre social capable de garantir une certaine stabilité à l'action de ceux qui travaillent dans le domaine artistique, de leur donner l'impression qu'il y a effectivement une règle du jeu. Par exemple, la culture gérée par le monde privé ou soutenue par les pouvoirs publics. La règle du jeu n'est pas la même. Si vous êtes dans le domaine privé, il y a, par exemple, une urgence des échéances qui sera plus soutenue. Il y aura une attention liée à la rentabilité qui sera plus forte que dans le domaine de la culture subsidiée par les pouvoirs publics. On travaillera à plus long terme, on travaillera dans des équilibres budgétaires, mais pas forcément dans une rentabilité. On reparlera de tout ça. Donc voilà, il y a une règle du jeu sous-jacente. Et cette règle du jeu, c'est ce qu'il appelle l'ordre social, et c'est finalement le contexte dans lequel s'organisent les chaînes de montage. Et ce sont les valeurs de base sur lesquelles la chaîne de montage est construite. Ça va ? Voilà. Une petite pause, 5 minutes de respiration et puis on reprendra la suite.